Livre 9e, chapitre 5. La clé de la porte rouge. Cependant, la voix publique avait fait connaître à l'archidiacre de quelle manière miraculeuse l'Égyptienne avait été sauvée. Quand il apprit cela, il ne sut ce qu'il en éprouvait. Il s'était arrangé de la mort de la Esmeralda. De cette façon, il était tranquille. Il avait touché le fond de la douleur possible. Le cœur humain, dont Claude avait médité sur ces matières, ne peut contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. Or, la Esmeralda était morte, l'éponge était imbibée, tout était dit pour Don Claude sur cette terre. Mais la sentir vivante, et Phébus aussi, c'étaient les tortures qui recommençaient, les secousses, les alternatives, la vie. Et Claude était là de tout cela. Quand il sut cette nouvelle, il s'enferma dans sa cellule du cloître. Il ne parut ni aux conférences capitulaires, ni aux offices. Il ferma sa porte à tous, même à l'évêque. Il resta muré de cette sorte plusieurs semaines. On le crut malade. Il l'était en effet. Que faisait-il ainsi enfermé? Sous quelle pensée l'infortuné se débattait-il? Livrait-il une dernière lutte à sa redoutable passion? Combinait-il un dernier plan de mort pour elle et de perdition pour lui? Son Jehan, son frère chéri, son enfant gâté, vint une fois à sa porte, frappa, jura, supplia, se nomma 10 fois. Claude n'ouvrit pas. Il passait des journées entières la face collée aux vitres de sa fenêtre. De cette fenêtre située dans le cloître, il voyait la logette de la Esmeralda. Il la voyait souvent elle-même avec sa chèvre, quelquefois avec Quasimodo. Il remarquait les petits soins du vilain sourd, ses obéissances, ses façons délicates et soumises avec l'Égyptienne. Il se rappelait, car il avait bonne mémoire, lui, et la mémoire est la tourmenteuse des jaloux. Il se rappelait le regard singulier du sonneur sur la danseuse un certain soir. Il se demandait quel motif avait pu pousser Quasimodo à la sauver. Il fut témoin de 1000 petites scènes entre la bohémienne et le sourd, dont la pantomime vue de loin et commentée par sa passion lui parut fort tendre. Il se défiait de la singularité des femmes. Alors il sentit confusément s'éveiller en lui une jalousie à laquelle il ne se fut jamais attendu, une jalousie qui le faisait rougir de honte et d'indignation. Passe encore pour le capitaine, mais celui-ci. Cette pensée le bouleversait. Ses nuits étaient affreuses. Depuis qu'il savait l'Égyptienne vivante, les froides idées de spectre et de tombe qu'il avait obsédé un jour entier s'étaient évanouies, et la chair revenait l'aiguillonner. Il se tordait sur son lit de sentir la brune jeune fille si près de lui. Chaque nuit, son imagination délirante lui représentait la Esmeralda dans toutes les attitudes qui avaient le plus fait bouillir ses veines. Il la voyait étendue sur le capitaine poignardé, les yeux fermés, sa belle gorge nue couverte du sang de Phébus. À ce moment de délice où l'archidiacre avait imprimé sur ses lèvres pâles ce baiser dont la malheureuse, quoiqu'à demi-morte, avait senti la brûlure. Il la revoyait déshabillée par les mains sauvages des tortionnaires, laissant mettre à nu et emboîté dans le brodequin, au vis de fer, son petit pied, sa jambe fine et ronde, son genou souple et blanc. Il revoyait encore ce genou d'ivoire, resté seul en dehors de l'horrible appareil de torterue. Il se figurait enfin la jeune fille en chemise, la corde au cou, épaules nues, pieds nus, presque nu, comme il l'avait vu le dernier jour. Ces images de volupté faisaient crisper ses poings et courir un frisson le long de ses vertèbres. Une nuit, entre autres, Elles échauffèrent si cruellement dans ses artères son sang de vierge et de prêtre qu'il mordit son oreiller, sauta hors de son lit, jeta un surplis sur sa chemise et sortit de sa cellule, sa lampe à la main, à demi nu, effaré, l'œil en feu. Il savait où trouver la clé de la porte rouge qui communiquait du cloître à l'église, et il avait toujours sur lui, comme on sait, une clé de l'escalier des tours.